Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, VGE, une identité en forme d'acronyme pour dire Valéry Giscard d'Estaing, un homme simple, proche des Français, ce que ceux-ci croient volontiers à cette époque, avant de lui cracher dessus au propre comme au figuré, lorsque 7 ans plus tard, il quitte l'Élysée, banni par une majorité de la population de ce pays. VGE, un triptyque valorisant qui rappelle sa stature à l'égard d'un JFK qu'il admire et dont il ne rate jamais l'occasion de dire qu'il a été reçu par lui dans le mythique bureau ovale de la Maison Blanche. En 1974, alors qu'il est candidat à la présidentielle, VGE s'inspire précisément de son modèle américain en faisant le pari de la médiatisation. Comme John Kennedy, filmé par Richard Leacock en 1960, il accepte d'être suivi par un réalisateur pendant la campagne électorale, un homme alors méconnu du monde du cinéma, Raymond Depardon. À l'époque, c'est une initiative inédite. Mais après sa victoire, Valéry Giscard d'Estaing s'oppose à la diffusion du documentaire de Raymond Depardon et le film est mis au placard pendant 28 ans, jusqu'en 2002. Retour donc sur 1974, une partie de campagne, incarnation d'une époque fondatrice dont les échos sont plus que jamais perceptibles, alors que le jeune président qui vient d'être élu en France est parfois consacré à Kennedy, saisissant résonance, et pas seulement sur ce point d'ailleurs. Après le récit, nous recevrons Christine Masson, coproductrice avec Laurent Delmas de l'émission de cinéma On aura tout vu sur France Inter, tous les samedis à 10h, car elle est également l'auteur du livre intitulé Aller au cinéma ou faire l'amour, publié cette année chez Textuel, mais elle est surtout en 2001, alors journaliste chez Capa, la personne qui convainc Valéry Giscard d'Estaing d'accepter finalement la diffusion du documentaire de Depardon. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jeanne Maillère avec l'appui des documentalistes de Radio France, attachée de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Florent Layani. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 2 avril 1974, le président de la République, Georges Pompidou, meurt brutalement emporté par la maladie. Une élection anticipée est donc organisée pour le mois suivant. Il y aura, par définition, un nouveau président, un nouvel homme. Parmi les candidats, 3 hommes sont annoncés favoris. Le gaulliste Jacques Chaban-Delmas, François Mitterrand, candidat unique de la gauche, et Valéry Giscard d'Estaing, jeune ministre des Finances de Pompidou et chantre de l'antigaullisme libéral. VGE, comme les Français l'appellent, il a 48 ans. À cette époque, les Français sont lassés du gaullisme et de ses barons, mais pas encore prêts pour tenter l'aventure de la gauche. Ce sera donc une campagne de positionnement centriste, à vrai dire, bien joué. Il est jeune, il a été ministre des Finances, il fait souffler un vent nouveau avec l'ambition de mettre les vieux politiciens au rancard. Si tout cela vous rappelle quelque chose de récent, ce n'est pas forcément absurde. Mais revenons en 1974, le 8 avril, lorsque Giscard lance sa campagne depuis son fief provincial, la petite ville de Chamalières. Dans l'avion qui le mène en Auvergne, il a convié un reporter de 32 ans, directeur de l'agence de photographie de presse Gamma, un certain Raymond Depardon. Sans qu'on sache aujourd'hui avec certitude qui est l'instigateur de cette décision, le candidat ou le reporter, ils se mettent d'accord. Raymond Depardon suivra Giscard pendant sa campagne afin de réaliser un documentaire. Ce film, improvisé, est donc le fruit de la rencontre de 2 désirs. Les envies de cinéma de Depardon et les rêves de gloire de Giscard, comme l'explique d'ailleurs le cinéaste. C'est vrai que c'est un film de commande, donc je le reconnais. Hein. Mais ça, c'est justement sa qualité peut-être, parce que justement c'est pas un film volé, c'est pas un film saisi, c'est un film complètement avec le consentement de tous les gens qui ont été filmés. Et c'est vous qui l'avez proposé à la JDS. Oui, bon, lui prétend que effectivement, lui, on avait peut-être un point commun, c'est que lui voulait garder une trace. Il avait 48 ans, moi j'en avais 32. Je voulais faire mon premier film de cinéma direct, c'est-à-dire un cinéma un petit peu différent qu'on n'avait pas trop vu à l'époque, cinéma sans intervention, sans interview, sans commentaire. Donc on avait ce point commun, c'est d'essayer de faire un film. Le directeur de l'agence Gamma n'est pas encore le cinéaste qu'on connaît. Il n'a tourné qu'un court-métrage lors des funérailles du dissident Tchèque Jan Palach qui s'est immolé à Prague en 1969. Mais il souhaite faire l'expérience du cinéma direct et un jour réaliser une série documentaire sur les dessous des institutions, à la façon de Wiesmann qu'il admire. Pour convaincre Valéry Giscard d'Estaing, il lui parle adroitement de Primary, le film qu'a réalisé Richard Leacock lors des présidentielles américaines de 1960, une référence où se mêlent étroitement le politique et l'intime. VGE apprécie la comparaison avec Kennedy, elle est flatteuse. Et puis, quoi de mieux qu'un film dont il serait le héros pour faire valoir son dynamisme et transmettre la plus belle période de sa vie à la postérité à la façon de son idole américaine. Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Depardon s'accordent sur les modalités de tournage et de production du film. 100 000 francs de budget payés sur les fonds personnels du candidat qui devient donc protagoniste principal et producteur. Quant à l'équipe, elle est réduite au réalisateur, à sa petite caméra et à un ingénieur du son. Pour autant, et même s'il s'agit d'un film de commande, le cinéaste va pouvoir poser un regard personnel sur ce qu'il enregistre en suivant le candidat de près, de très près. Car il bénéficie d'une nouvelle donne. Désormais, les candidats se laissent approcher, d'autant plus qu'il n'y a pas encore, comme c'est aujourd'hui le cas, une armée de conseillers en communication. Encore inexpérimenté, Raymond Depardon va faire l'apprentissage du cinéma direct et trouver un équilibre entre vérité et interprétation, entre réel et point de vue. Alors que le cinéaste en herbe écrit la syntaxe de cinématographie qui sera la sienne pour les années à venir, le candidat Giscard s'essaye quant à lui à des pratiques qui perdureront bien au-delà du tournage de 1974, une partie campagne. Il l'a compris, pour gagner, il faudra rompre avec la tradition des adresses solennelles façon de Gaulle et proposer un autre type de communication aux Français, moderne, intime. Gauche, socialistes, communistes et radicaux se sont regroupés derrière la candidature de François Mitterrand qui n'a donc pas d'adversaire à gérer dans son propre camp. Contrairement à Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chaban-Delmas qui vont devoir se partager les électeurs de droite. Face à deux candidats qui approchent les 60 ans, VGE veut donc miser sur sa jeunesse. Après 5 ans en finance, il s'est forgé cette image, mais il se veut aussi chef, brillant, élégant. Mais peut-être est-il un peu trop aristocratique. Il lui faut donc montrer qu'il est aussi un homme de cœur, un être humain, pas seulement un colin froid. Au début, Raymond Depardon filme ce que filment tous les autres journalistes qui suivent la campagne. Il capte les poignées de main du candidat, les bains de foule, les visites dans les villages, les spectacles de danse folklorique auxquels le candidat assiste, les pauses qu'il prend avec une fillette en costume alsacien, les jeunes militants revêtus de t-shirts à son effigie et son invitation en fin de meeting à chanter avec lui la victoire en chantant. Comme je ne suis pas sûr que chacun ici, même sur la tribune, en connaisse exactement les paroles, je vais vous les rappeler. C'est ceci. La victoire en chantant nous ouvre la barrière. La liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure. Oui, l'heure du combat. La partie la plus actuelle, c'est évidemment le commencement. Et je vous le rappelle, c'est la victoire en chantant nous ouvre la barrière. Rapidement, Raymond Depardon se lasse de ses déplacements qui se suivent et se ressemblent, et puis les discours du candidat ne l'intéressent pas vraiment. Lors des meetings, il doit sans cesse jouer des coudes avec les autres journalistes, au risque d'avoir les mêmes images qu'eux. Alors, il prend son courage à deux mains et demande un rendez-vous à Valéry Giscard d'Estaing. Il veut, lui explique-t-il, accéder aux coulisses de la campagne et même à son intimité. VGE, qui garde en mémoire l'exemple de Kennedy dans le film sur les primaires américaines de 1960, toujours, accepte. Quelques jours plus tard, le cinéaste monte dans la voiture du président où il filme une discussion d'une banalité déconcertante ainsi que les coups de peigne de Valéry Giscard d'Estaing qui tente de cacher sa calvitie en rabattant ses cheveux sur son crâne. Oui, capter les détails insignifiants mais en même temps signifiants, comme cette coquetterie à la fois cocasse et touchante, eh bien c'est ce que Raymond Depardon va désormais s'attacher à faire. Le réalisateur apprend le cinéma direct en même temps qu'il tourne. Pour saisir les surgissements soudains du réel dans la mise en scène du candidat en campagne, il faut filmer dans la continuité, laisser la caméra et le son tourner aussi longtemps que la pellicule le permet. Valéry Giscard d'Estaing, lui, s'accommode rapidement de cette présence qui le suit partout. Au lendemain du premier tour, alors qu'il arrive second derrière François Mitterrand avec 32% des voix, il impose même Raymond Depardon à ses collaborateurs circonspects lors d'un conseil stratégique forcément très confidentiel. Michel Poniatowski et Michel Dornano, ses plus proches fidèles, s'inquiètent de ce que le micro de Bernard Orsion pourrait capter. À l'époque, le protocole admet parfois les caméras, mais jamais, au grand jamais, l'indiscrète prise de son qui peut constituer le plus grand des dangers. Alors, dans l'intimité d'un salon bourgeois, VGE tombe le masque. Il se montre tel qu'il est, calme, spontané, décontracté. Un brin cynique aussi. Sa stratégie est simple pour le deuxième tour. Être rassurant afin de récupérer les gaullistes qui ont voté Chaban-Delmas sans pour autant inquiéter les autres électeurs. Oui, alors c'est pour parler de la préparation du second tour. Il y a une solution qui consiste à peu près à ne rien faire. Mais alors, ça suppose une... Chapeau, ne m'interrompez pas, ne prenez pas les mauvaises habitudes de la campagne présidentielle. Bon, cela consiste à ne rien faire, parce que, en gros, l'ancienne majorité a 45% des voix, 46% des voix, Royer, ils voteront pour moi, ils ne peuvent pas voter ailleurs, puis il y aura Le Pen qui est à peu près... il ne peut pas faire autrement non plus, puis il n'entraîne personne. Donc, au fond, c'est une élection qui est pratiquement gagnée si on ne fait rien. L'ennui, si on fait quelque chose, c'est qu'on peut la perdre, parce qu'on prend des positions, on énerve des gens, on se déplace d'un sens ou dans l'autre. Donc il y a au fond une technique d'abord consisterait à ne rien faire de beaux discours, etc. À laisser le courant passer, en disant ce qui est rassurant, il est très convenable, il est gentil, il parle bien, voilà. Première solution. Et faire une campagne assez de généralité, généreuse et pas trop engageante. Et au fond, on est élu dans ce cas-là. Pendant l'entre-deux-tours, le 10 mai, François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing ont accepté de s'affronter lors d'un duel radio-télévisé inédit sur le modèle américain. Près de la moitié des Français assistent au débat que Depardon choisit paradoxalement de ne pas filmer. Car ce qui intéresse le cinéaste, ce ne sont pas les punchlines politiciennes du candidat Giscard, qui marquera pourtant l'histoire en refusant à son adversaire le monopole du cœur, non. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer ce qui se passe ailleurs, autour, au-delà de la politique. 1974, une partie de campagne, et de ce point de vue, un film elliptique, morcelé, qui se focalise sur le non-événement. Valéry Giscard d'Estaing qui regarde ses interventions à la télé, Valéry Giscard d'Estaing qui mange du saucisson dans une auberge de campagne, le journal que lit Valéry Giscard d'Estaing, titré sa femme et ses filles, les deux atouts charmes de la campagne, autant de moments qui disent, en creux, comment le candidat gère sa communication. Car VGE se met en scène, souvent. Il y a les images volées par la caméra, bien sûr, et heureusement. Mais aussi les images qu'il donne lui-même au réalisateur. Même s'il se défend de jouer un rôle, voilà comment il décrit sa posture dans une interview donnée à Christine Masson sur France Inter. Et pour l'homme public, là, la question qui se pose, c'est de savoir comment se projette-t-il lui. C'est donc pas un rôle. C'est pas une projection de la personne. Et je dis quels sont les obstacles. Alors les obstacles, évidemment, c'est la raideur, c'est la distance, c'est la mauvaise communication au sens de la voix ou du geste. Donc je n'ai pas travaillé pour jouer, étudier ou travailler pour jouer un rôle. J'ai travaillé pour voir comment je pouvais communiquer ce que j'étais au travers de l'image. Il y a une scène dans le film, comme l'expliquera plus tard Raymond Depardon, qui est symptomatique de cette volonté de communiquer au travers de l'image. C'est celle où, seul dans son bureau du Palais du Louvre, Valéry Giscard d'Estaing attend les résultats du deuxième tour. « Je déteste les petits fours entre amis », aurait dit le candidat au cinéaste avant de l'inviter à filmer sa solitude, mise en valeur par une petite lampe placée là, justement, pour dramatiser la scène. Mais Depardon n'est pas dupe. Alors que sa position d'observateur lui interdit de recourir à l'entretien ou à la voix off, il met en place un point de vue personnel et réflexif qui s'éloigne parfois de l'impartialité que le format lui impose. Ainsi, pour le cinéaste, Valéry Giscard d'Estaing est davantage une star en représentation qu'un politique, semble-t-il, parfois. Lors du grand meeting final du candidat, la voix d'Aznavour qui se produit sur scène est couverte par les cris de la foule qui acclame VGE, tandis que ce dernier signe des autographes. Un protagoniste de documentaire qui se met en scène, un réalisateur de cinéma vérité qui donne son point de vue, en politique comme au cinéma, l'illusion est de mise. Alors que le candidat souhaitait garder une trace de sa campagne, le réalisateur se focalise sur sa personne. 1974, une partie de campagne, certes un document historico-politique, mais il est surtout le portrait d'un homme. Quand VGE pense que Raymond Depardon a coupé, eh bien ce dernier continue de le filmer, captant ainsi ses manies, ses mimiques, ses tics. Les coups de peigne, on l'a dit, mais aussi sa façon de répondre à ses propres questions et une certaine tendance à se comporter en petit monarque. Car ce que la caméra nous montre, c'est un homme qui s'isole de son entourage pour gagner seul. Envers ses collaborateurs, les mots sont durs parfois. Il y a notamment cette scène dans laquelle Valéry Giscard d'Estaing téléphone à Pierre Messmer, le premier ministre de feu Georges Pompidou. Le candidat s'y montre sec, autoritaire, comme s'il était déjà président de la République. Après avoir raccroché, il siffle son chien qui accourt docilement. Quelle métaphore ! Raymond Depardon ne dit rien et pourtant il signifie beaucoup. Cette syntaxe, ce symbolisme discret mais éloquent, cet art du décalage imperceptible, on le retrouvera plus tard dans la filmographie du cinéaste, car c'est là, au milieu de la campagne présidentielle de 1974, qu'il construit son œuvre à venir. Quant à l'homme qui perce sous la carapace du politique, il n'est pas toujours tel qu'il se donne à voir en public, sympathique, frais, spontané. « Vous avez filmé la foule ? » demande Valéry Giscard d'Estaing, inquiet de Depardon après son grand meeting à la porte de Versailles. Car filmer la foule, c'est fixer pour la postérité son pouvoir de séduction et son succès. Le candidat aime séduire, se sentir aimé. Un brin manipulateur, un peu orgueilleux, Valéry Giscard d'Estaing est surtout un grand acteur, dira Raymond Depardon. Le cinéaste ne cesse de filmer les appareils photos, les journalistes, les caméras qui suivent le candidat. Plusieurs fois, il le capte de dos, en meeting, ce qui correspond au contre-champ de l'angle habituellement adopté par les caméras de télé. Car la force du film est bien là, dans ces contre-champs et hors-champs médiatiques, qui révèlent non seulement un autre Giscard, cynique, calculateur, mais surtout l'organisation permanente d'un jeu, d'un spectacle médiatique qui prend le pas sur la politique. Car le cinéma et la politique, telle qu'elle se transforme devant la caméra de Depardon, ont un but commun, la mise en scène et la création d'images signifiantes. Huit grèves de poubelles que je traîne dans le quartier. Jamais vu plus belle qu'elle dans la cité. Les serveuses du milk bar ou du banana qu'on dépiote dans le noir au cinéma. C'est des trucs pour la toux. Des pastilles, des cachous, bonbons de machine à sous, mais elle pas du tout une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. Je football, des boîtes de ronron, et comme ces boîtes de tôle, je tourne en rond. Quand je la pêche à la ligne, du haut de mon balcon, elle m'emmène dans le parking et sur le béton. C'est le Brésil pour mille balles. Et je croule dans le pan total, je touche le fond de mes pales, la neige du napalm, une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. J'habite en haut de cette dernière du bloc, ma fenêtre est bien haute pour le bacille de coq. Par-delà les antennes, au-dessus du cynodrome, des traînées de kérosène, il y a cette peau. marche parmi les détritus. On dirait comme sur les prospectus, ces filles allongées à l'ombre des cactus. Tu vois ce que je veux dire, et pourtant c'est juste une super nana. Une super nana. Une super nana. Une super nana. Une super. Le résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle, tel qu'il apparaît à l'heure actuelle, suffrage exprimé 25 956 000, et sur ce total ont obtenu M. Valéry Giscard d'Estaing 13 165 000 suffrages, soit 50,71%, M. François Mitterrand 12 791 000, soit 49,28%. M. Valéry Giscard d'Estaing a obtenu la majorité des suffrages exprimés. On peut dire dès ce soir que M. Valéry Giscard d'Estaing a été élu président de la République française. Nous sommes le 19 mai 1974. Vous avez reconnu la voix de Jacques Chirac, car il est ministre de l'Intérieur à l'époque, et c'est donc à lui d'annoncer les résultats officiels. À 48 ans, Valéry Giscard d'Estaing devient donc le plus jeune président français. Raymond Depardon filme sa victoire dans ses appartements privés du Louvre, en direct. Image saisissante où l'on voit le candidat devenu marmoréen à l'annonce à 20h de sa victoire. L'homme sous contrôle, la stature présidentielle, la raison avant l'émotion, la classe, quoi. Oui, sauf que ce que ne filme pas Depardon, c'est le coup de téléphone de Jacques Chirac qui l'appelle quelques minutes avant l'annonce télévisée et qui lui révèle son élection. D'autant plus que VGE lui répond avec une froideur qui signale déjà les discordes à venir, mais aussi sa déception. Mais oui, le nouveau président est de mauvaise humeur, car il ne devance François Mitterrand que de 400 000 voix. Malgré l'amertume d'une victoire en demi-teinte, Valéry Giscard d'Estaing entre donc à l'Élysée, Raymond Depardon en salle de montage. Le président lui rend parfois visite jusqu'à la projection. Ce soir-là, son malaise est perceptible. Trois fois, il demande à revoir le film que le réalisateur a intitulé 50,81%. En 2002, le cinéaste témoigne de cet épisode. Après, une fois que le film est fait, monté, vous lui montrez. Oui. Et quelle est sa réaction? Il a un choc, un peu. Parce que d'abord, il s'attendait pas à un film d'une heure et demie comme ça. Il se voit pour la première fois un peu différemment qu'à son image officielle, oui, voilà. Oui. Donc il se voit parler dans la vie comme ça avec les gens, avec des fautes, des petits détails et tout. Se recoiffer dans la voiture. Voilà. Et qui menace ses collaborateurs. Il est différent. Et à la fois, il sait bien que c'est du réel, quoi. Il n'y a pas d'interprétation. Il y a une distance qui est assez bonne. Je suis prêt, mais à la fois, bon, tout l'art est là, et de regarder. Je suis pas trop prêt, quoi. Je regarde quand même. Voilà. Et alors, est-ce qu'il a vraiment jugé ce film irrévérencieux? Parce que lui dit que non maintenant. Je pense qu'il a, la première projection, il était fasciné. Et puis, plus il voyait le film, plus il était un peu catastrophé. Oui, le président est gêné par des détails, comme son dos, qu'il n'aime pas. Lui qui tient à contrôler son image, il rechigne à regarder en face le prosaïsme de la condition humaine, se voir manger, boire, dormir. « Je ne parle pas bien », se plaint-il. Connu pour son intelligence, la richesse de son vocabulaire, sa préciosité et son élégance, Giscard se découvre au quotidien dans des conversations informelles, familières, pas toujours à la hauteur de sa réputation. Le président trouve aussi le film violent. Carrément Depardon n'a pas hésité à conserver certaines de ses abruptes saillies contre Jacques Chirac et les gaullistes d'abord, qu'il ménage peu alors qu'il va devoir gouverner à leur côté, contre ses collaborateurs ensuite, envers qui il se montre parfois un peu rude. Dans cet extrait du film que vous allez entendre, le soir des résultats, Valéry Giscard d'Estaing regarde la télé en téléphonant un proche pour se plaindre de l'attitude de Michel Dornando, l'un de ses amis pourtant, qui intervient sur un plateau. 19h59. J'ai juste un mot, je suis en train de regarder la télé et j'avais demandé à Michel Dornano de ne pas aller. Je vais maintenant. Ah, il était semant. Voilà, je suis obligé de regarder maintenant le jour et je te rappelle tout à l'heure. Il était semant. oui, je te rappelle, bon, il y a Michel Tantampiro. Ah, il est assommant. Pénible. Oui, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Les observations que je peux faire. Oui. Et une estimation, en fait, au moment où... Mais oui, je ne sais pas. Oui, mais enfin, je lui ai demandé de payer des terres. Bon, alors ça, ils ont donné comme chiffre ceux de la Sofres, c'est-à-dire 50,9, 49,1. Hein? Très bien. Oui, et tu peux pas faire passer un message à... Celle de l'IFOP Europe numéro 1 donne 50,63%. Oui, absolument. Je lui ai dit, je l'ai fait venir pour lui dire ça. 37%. Bien. Mais écoute, je t'appelle à 8h30. Hein. Et nous invite effectivement à être. Oui, un peu oui, on fait ridicule. Très bien, merci. Giscard regrette également certaines réflexions un peu méprisantes envers les Français, comme sa référence à Montceau-les-Mines. Rien qu'au nom, on voit bien que c'est un endroit où il y a des travailleurs, rigolait-il alors, un peu condescendant. Bref, le président veut des coupes. Ce que refuse Raymond Depardon, pour qui chaque scène est nécessaire à l'équilibre du film. Mais Giscard d'Estaing, qui est à la fois président de la République, héros du documentaire et producteur, ne cède pas, et il bloque la sortie du film. Pour la gauche, l'œuvre de Depardon devient un film martyr, interdit parce qu'il expose sans filtre le cynisme politique de la droite, de VGE et de ses proches, dont Michel Poniatowski. Paradoxalement, Raymond Depardon, qui assure pourtant de sa neutralité, est accusé de trahison par ses amis, à une époque, il est vrai, où beaucoup d'artistes et d'intellectuels sont affiliés à la gauche. On lui reproche de ménager Giscard, d'être fasciné par les États-Unis, bref, de pactiser avec le diable. 5 ans après la campagne, en 1979, Raymond Depardon tente de diffuser le film avant de recevoir un référé de l'Élysée le menaçant de 5000 euros d'amende par jour. Pour le réalisateur, la frustration est énorme. Pendant longtemps, la blessure reste ouverte. Parler d'un film que personne n'a vu l'irrite et le prive de la reconnaissance qu'il méritait en tant que réalisateur. Heureusement, au cours des années 80, il est devenu l'un des documentaristes français les plus respectés avec des films comme Reporter, Fait divers, Délit flagrant ou son chef-d'œuvre sur le monde paysan. Les années passent et le moment n'est jamais opportun. Après l'élection de 1981, la défaite de Valéry Giscard d'Estaing contre Mitterrand rend la diffusion plus improbable que jamais, car elle mettrait en lumière le contraste entre le Giscard de 1974, triomphant, jeune, synonyme d'optimisme et d'espoir, et celui de 1981, battu et amer. Il montrerait comment ce genre d'histoire peut se terminer, comment la jeunesse triomphante peut sortir en guenille d'un mandat présidentiel. Le film finit par devenir un objet culte, auréolé de mystère, mais progressivement oublié dans les limbes d'une cinéphilie réservée aux happy few, à quelques journalistes, hommes politiques et étudiants, invités à voir le film lors de projections privées. Au début des années 2000, Christine Masson, alors journaliste chez Kappa, contacte Valéry Giscard d'Estaing pour lui parler de 50,81% qui ne s'appelle pas encore une partie de campagne. L'ancien président de la République a 76 ans. Il a renoncé à une carrière nationale et va être nommé président de la Convention sur l'avenir de l'Europe. Il accepte de revoir le film près de 30 ans plus tard et il se laisse tenter par une éventuelle diffusion. Raymond Depardon, 60 ans, vient quant à lui de commencer un travail sur le monde paysan intitulé « Profil paysan » pour lequel il sera honoré du prix Louis Deluc, le Goncourt du cinéma. Quand il apprend que le vent a tourné, il écrit une lettre à Valéry Giscard d'Estaing qui lui répond immédiatement. L'ancien président et le cinéaste se mettent d'accord sur un nouveau titre, symbole des horizons qui s'ouvrent pour le film. 50,81% devient donc 1974 une partie de campagne. Raymond Depardon a choisi 1974 et Valéry Giscard d'Estaing le sous-titre, un clin d'œil au film de Jean Renoir. Car VGE continue d'imposer ses règles. Il veut une diffusion unique sur un canal unique en première partie de soirée, un seul entretien avec la presse, sur France Inter, merci, des royalties sur la diffusion du film et sa vente à l'étranger, ainsi qu'une diffusion en salle limitée à 7 cinémas d'art et essai. Une projection est rapidement organisée à l'attention des différents responsables de chaînes publiques, France 2, France 3, La 5e et Arte. France 2 bénéficie alors d'une priorité pour l'achat du film, et Yves Janot, directeur des documentaires de la chaîne, considère que le film a mal vieilli. Et puis, les exigences financières de Valéry Giscard d'Estaing sont trop élevées pour France 3, tandis que La 5e ne peut répondre à l'exigence de diffuser le documentaire en prime time, car sa transmission hertzienne s'arrête à 19h. Ce sera donc Arte qui diffusera 1974 une partie de campagne, le 20 février 2002, soit 28 ans après le tournage. Alors, Pourquoi Valéry Giscard d'Estaing a-t-il finalement changé d'avis après tant de temps? Demande Frédéric Bonneau à Raymond Depardon en 2004. Je sais pas, je sais pas. Je crois qu'il a un petit peu... le temps a passé, il s'est rendu compte que c'était un film historique... Et que parallèlement à ça aussi, moi, je l'avais rencontré, il m'a dit, vous avez continué à faire des films, et pareil, les films que vous faites, c'est toujours des bons films. Alors il était très en colère contre moi, mais bon, c'est vrai que... ce film est pas sorti, on peut le regretter, maintenant c'est fini, parce que c'est vrai que j'ai souffert un peu, mais à la fois ça a été peut-être une chance pour moi, parce que j'ai recommencé, vous savez, on savait toujours le premier film, donc j'ai été obligé de recommencer un autre premier film. Oui, parce que c'est pas banal, votre premier film n'a donc pas été vu pendant très longtemps quand même. Et à la fois, je pouvais le montrer, et c'est vrai que... J'ai appris beaucoup de choses en étant photographe de presse et donc en prenant une caméra d'un seul coup, c'est un peu le point de vue du photographe de presse dont on se doutait pas qu'il écoutait, donc on se doutait pas qu'il se rendait compte. Donc il était un peu comme un bouffon, on le faisait rentrer, on le faisait sortir, mais en fait il avait une position qui était révélatrice de toute la espèce de comédie. Raymond Depardon va enfin pouvoir montrer cette œuvre qu'il considère comme un acte fondateur de sa filmographie. Car c'est avec 1974, une partie de campagne, qu'il a dépassé sa posture de photographe de presse pour construire un nouveau rapport au réel, fondé sur la représentation du langage et la place laissée à l'interprétation du spectateur. Quand Valéry Giscard d'Estaing nie avoir bloqué la sortie du film, le cinéaste ne bronche pas, bien trop heureux de voir enfin son œuvre sur les écrans. Dans le texte qu'il envoie à la presse avant la diffusion, l'ancien président de la République n'assume pas ses 28 ans de silence. Il explique qu'il n'a jamais imaginé que ce documentaire ait une vocation commerciale, mais sûr que non. Il s'agissait d'un film d'une nature particulière, dont la finalité était de conserver pour l'avenir une trace très personnelle et émotionnelle de ma campagne, écrit-il. Il affirme même que Parti de campagne correspond exactement à ce qu'il imaginait, authentique, optimiste, sympathique, jeune et moderne. Sur France Inter, il répond ainsi à Christine Masson. Alors pourquoi refusez-vous l'exploitation commerciale du film à l'époque ? Mais je l'ai refusé jusqu'à maintenant parce que ce n'est pas son rôle. Et là, je trouve que, je parle très franchement, en parlant ensemble, je trouve ce genre d'approche par un certain milieu journalistique ou médiatique insupportable. Quelle approche ? Vous faire pression sur vous comme si on exerçait une censure. C'est pas une censure, personne n'est obligé d'écrire, personne n'est obligé de photographier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai fait faire un film pour moi et pour les archives, point. Bon, il était dans un placard, voilà. Et alors, tout le monde dit, mais comment, c'est de la censure ? Non, c'est un objet. Les choses que vous avez, vous, vos photos qui sont dans votre salle de bain, votre cuisine, vous ne les montrez pas au public. Privé ? C'était pour moi. Privé, le mot privé est un mot ambigu, mais c'était pour moi, personne physique. Bon, s'il n'y a pas eu censure, alors pourquoi décider si soudainement de la sortie du film ? Je sens une stratégie derrière cette décision. C'est un homme, vous savez, qui a toujours été un peu revanchard. Il n'a jamais aimé Chirac, suggère alors Raymond Depardon dans le Nouvel Obs. Le film sort en effet au moment de l'élection présidentielle de 2002, quand Jacques Chirac brigue un deuxième mandat. Le président est l'ennemi de Valéry Giscard d'Estaing depuis qu'il a favorisé sa défaite en 1981 en appelant en sous-main à voter pour François Mitterrand. Plusieurs journalistes font très clairement état de leurs soupçons quand le film de Raymond Depardon est inopinément diffusé en 2002. VGE veut-il le mettre dans les pattes de Chirac en rappelant sa propre popularité, sa jeunesse et son allant, quand le président Chirac souffre, lui, de l'emprise de son parti et d'une image vieillissante? Christine Masson met le doigt sur cette gêne en 2002 sur France Inter. Jacques Chirac est pratiquement absent de ce film. On le voit 2 secondes à côté de Mesmer à votre dernier meeting à Paris. D'ailleurs, Depardon a fait une image arrêtée tellement la vision est... Très, très, très, très rapide. Il a vu le film ? Je ne crois pas. Peut-être qu'il le découvrira sur Arte le 20 février ? Je ne sais pas s'il regarde Arte. Il a peut-être d'autres responsabilités à exercer. Ça vous amuserait d'avoir son commentaire ? Écoutez, là, vous glissez dans le côté people. Je vous le laisse, ce n'est pas le mien. Oui, n'empêche que ces vieilles rancœurs font partie du passé qui se donne à voir devant la caméra discrète mais expressive de Raymond Depardon et qui conquiert le public. Au lendemain de la diffusion de 1974, une partie de campagne, Jean-Claude Loiseau écrit dans Télérama « C'est un monde qui semble appartenir à l'ère glaciaire de la politique, avec ses notables sans âge, ses figurants furieusement 70s, ses meetings dans des halos bestiaux, bref, des us et coutumes qui révèlent de la pure archéologie. » qui relève de la pure archéologie. Au premier abord, dans ce document réputé maudit, donc un peu culte, on est frappé par la plaisante désuétude de ces archives oubliées, conclut-il. Oui, le film plaît car Raymond Depardon a capturé une époque, un climat, l'air du temps, ce moment où la politique change de cap, donnant à la communication et aux médias l'importance qu'ils ont aujourd'hui. Trois décennies après les faits, l'intérêt de ce pilier du cinéma vérité que constitue 1974 une partie de campagne réside donc moins dans le portrait de Valéry Giscard d'Estaing que dans la chronique des mutations à l'œuvre pendant cette campagne. C'est l'ère de la mise en scène et de la communication qui est en train de s'ouvrir et c'est bien cela qu'on nous montre. Ce que le président a peut-être compris quand il empêche la sortie du film en 1974, c'est que sa victoire n'est pas celle de la droite sur la gauche, mais celle d'une époque où l'alternance politique n'a pas plus de sens que les images construites pour convaincre les électeurs, ce qui n'est pas forcément facile à assumer. La rencontre entre un homme et un peuple, dit le film en substance, n'est finalement que la mise en place d'un système aujourd'hui banalisé, où l'homme politique doit se plier aux exigences médiatiques pour plaire à ses électeurs au cours de campagnes mises en scène typiques de la société du spectacle. Pour cette émission Affaires sensibles, dont la vocation est d'explorer les allées du passé pour en traquer les résonances, le sujet d'aujourd'hui par l'image, une partie de campagne, est donc une sorte de must que nous allons décortiquer dans quelques minutes avec Christine Masson, précisément spécialiste cinéma sur France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, 1974, une partie de campagne. Notre invitée, Christine Masson. Bonjour. Bonjour. Là, nous avons invité aujourd'hui une protagoniste, oh, indirecte, mais une protagoniste quand même de cette histoire. D'où ma première question. Pourquoi vous êtes-vous engagée comme ça, personnellement, pour que ce film soit diffusé, Christine? Par enthousiasme, par passion, parce que j'ai découvert à l'époque un document absolument unique sur la politique et son pouvoir, et surtout un vrai film de cinéma que je comparerais à l'un de mes cinéastes préférés, qui est Ken Loach. Je trouve que, et Ken Loach ont cela en commun, c'est de savoir placer la caméra exactement là où nous serions nous, de nous impliquer complètement dans l'histoire et dans le film. Et puis il y avait aussi derrière l'idée, la joie peut-être de libérer un film d'un cinéaste que j'adorais. Voilà. Bon, mais vous faisiez partie de ces Happy Few qui ont réussi à voir le film avant qu'il ne soit diffusé? Non, en fait, à Capa, j'ai eu l'occasion d'interviewer Depardon et je lui ai demandé, ce film dont tout le monde parle, je voudrais le voir. Il a fini par m'inviter à une projection, il appelait ça Film Surprise à la Cinémathèque. C'est là où je l'ai découvert en 92. Je l'ai revu quelques années plus tard aux Rencontres de la Photo à Arles. Et pendant toutes ces années, je me suis dit, mais pourquoi personne, aucun journaliste de cinéma, ou de politique surtout, ne pose la question à Giscard sur pourquoi il bloque ce film. Et j'appelais même les rédactions. J'ai vous recevez Giscard, posez-lui la question, et personne ne le faisait. Alors un jour, j'ai décidé de lui écrire. Bon, alors comment ça s'est passé? Racontez-moi, parce que je l'ai dit un peu, mais enfin, moi j'y étais pas. Vous y étiez. J'ai écrit à Giscard pour lui dire tout le bien que je pensais de ce film, ne comprenant pas, et surtout en lui disant, moi je suis journaliste de cinéma, c'est un grand film, j'ai jamais vu ça avant, on n'a jamais vu ça depuis, expliquez-moi. Il m'a répondu 8 mois plus tard, son secrétariat m'a convoqué, et là je l'ai rencontré, je lui ai redit ça, la puissance du film. Et puis aussi le fait que, après lui, plus personne ne saurait l'expliquer. Et en partant, il m'a dit pourquoi pas, et ça voulait dire qu'il était plutôt d'accord. Et puis ça venait peut-être à un bon moment, après 27 ans, donc peut-être que je tombais à pic à ce moment-là. Et selon vous, pourquoi a-t-il refusé si longtemps de diffuser ce film? D'ailleurs, peut-être que ce sujet est venu dans la conversation, peut-être lui avez-vous demandé, mais pourquoi vous... Alors, il m'a dit ce qu'il disait dans l'interview que j'ai faite de lui sur France Inter... Vous savez, par rapport au fait que ce soit un truc pour les archives, un document personnel. Moi, je pense qu'il y a pas mal de raisons. Il y en a plein de secrètes, mais c'est aussi l'image qu'il dégageait, comme a dit Depardon, qui m'avait expliqué qu'à la projection, il s'enfonçait de plus en plus dans son fauteuil par rapport à cette image qu'il dégageait dans le film. Il y avait aussi par rapport à Dornano. Vous savez, cette scène où il n'est pas content que Dornano... C'est assommant. Voilà, c'est assommant. Et il voulait pas le froisser. Je crois même qu'il a attendu, la mort de Dornano aussi par rapport à cette question. Oui, il y a aussi ça. Et puis aussi, un peu plus tard, c'était ne pas montrer ces images de campagne et de débat avec Mitterrand alors que Mitterrand était au pouvoir. Enfin, il y a plein de raisons. Et est-ce que vous savez pourquoi il a choisi Depardon? Il a choisi Depardon comme Kennedy avait choisi Leacock. Il a choisi un grand photographe. Je crois que c'est un parallèle équivalent. Il n'a pas voulu choisir quelqu'un de cinéma, il a choisi quelqu'un qui avait un regard, et à l'époque, Depardon était très connu comme photographe déjà. Alors, on va arriver à un point qui est vraiment intéressant. Donc on parle de cinéma vérité, parce que comme ça on aime bien donner des étiquettes à des œuvres, c'est pas forcément la bonne. Bon, il y a cette histoire, effectivement, moi quand je l'avais vue, hein, comme tout le monde, la première fois, j'ai vu plusieurs fois, parce qu'il y a des pépites à revoir à chaque fois, c'est vraiment formidable. Et la première fois, on voit un homme politique qui apprend qu'il est président de la République, c'est-à-dire qu'on peut pas aller plus haut dans une vie. Dans une vie politique. Et là, il a un côté marmoré, hein, comme l'a été Mitterrand après. C'est-à-dire qu'il saute pas de joie, il dit, bon, très bien, parfait. Et là, on pense que, on dit qu'il a eu l'information par Jacques Chirac avant, mais cela dit, vous savez, les résultats des élections présidentielles, notamment les journalistes, l'ont avant l'heure. Là, c'était plus dur, hein, c'était plus compliqué. Mais ils l'ont avant l'heure, donc forcément, les candidats connaissent la tendance, donc ils le savaient. Est-ce qu'on peut parler de cinéma vérité dans ces conditions? Voilà. C'est dit, moi je suis pas en accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que je pense que si, même sans le coup de fil de Chirac, il aurait eu ce calme devant l'annonce. C'est possible aussi. Vous savez, Depardon filme souvent ses mains, il est très très calme. Mmh. Une espèce de... C'est comme un joueur d'échecs qui a 3 coups d'avance sur tout le monde. Il a une stratégie personnelle. Je pense que ça l'aurait... Il n'aurait pas sauté de joie, même s'il l'avait... Oui. Si ça avait été une surprise. Cinéma vérité, oui, la sienne, plus celle de Depardon, plus capter directement le réel, plus le montage qui frise. Vous citiez cette séquence où il remet un peu à sa place Mesmer et après il siffle son chien. Mais Mais je pense que ça, mais c'est même dans l'inconscient de Pardon, vous voyez. C'est-à-dire que de Pardon, la force de Pardon, d'abord, il filmait en cinéma. C'est très important à savoir ça. C'est-à-dire? Parce que ce sont des magasins de 20 minutes. Ils n'ont pas le temps infini qu'on a maintenant en télé, donc il faut être là au bon moment. Et de Pardon est toujours là. Il attend ce moment, mais il va le pêcher et il va le trouver. Ce qui est un art incroyable, parce qu'il raconte que dans cette scène de stratégie politique entre les deux tours, à un moment, il s'est affolé parce qu'il a dû charger tout seul son nouveau magasin de cinéma. Vous voyez, c'est un truc, savoir être là au bon moment, c'est un des grands talents de Pardon, d'attendre et d'avoir la bonne place surtout. Et vous avez raison d'évoquer cette scène. C'est l'une des plus extraordinaires du film. C'est un cours de sciences politiques. Ah, c'est un cours de sciences politiques. Voilà, on fait rien, on bouge pas, il est gentil ce garçon, il dit des choses rassurantes, et ben on fait rien, puis ça rend les autres, ça rend la position de ses adversaires, donc Mitterrand, hein. Oui. Bah, difficile, forcément, c'est une scène absolument saisissante. Quelles sont les scènes, vous, que vous trouvez vraiment saisissantes dans ce film? C'est celle-là, et de pardon, raconter plus tard, c'est drôle, parce que pendant cette scène, je crois que c'est Poniatowski ou un proche qui s'inquiète de cette caméra. Et Giscard répond un truc assez important, il dit « c'est pour moi ». C'est dingue quand même, cet homme dit « en fait ce film c'est mon cinéaste officiel en gros, il sait que c'est pour lui ». Et c'est pour ça qu'il donne toute cette liberté. Et c'est vrai qu'il livre des choses. Jamais on a entendu ça depuis. Jamais une caméra n'est entrée dans un bureau entre un candidat entre deux tours avec ses proches. Jamais. Ça, c'est pour le côté science politique. Sur le côté solitude du pouvoir, je crois que c'est cette scène sur cette terrasse en face de la présente pyramide du Louvre où il nettoie son petit transistor. Ouais. Il est seul, des gens passent pour le prendre en photo. Il fait des petits signes aux gens du balcon. Il fait des petits signes aux gens. On rappelle que le Louvre était l'endroit où travaillait le ministère des Finances, tout simplement. Exactement. Donc ce sont ces deux scènes-là, mais il y en a tellement de... Surtout, ce film, ça dépend de l'époque à laquelle vous voyez, mais chaque fois que je le vois de façon différente. C'est-à-dire en fonction du contexte politique de la France. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce film fait preuve d'une légèreté de l'époque. Vous voyez, c'est un film très qui, plus le temps avance, plus il devient vintage. Et surtout sur la légèreté de l'époque, qui n'existe plus actuellement, où maintenant la communication est tellement bétonnée. C'est ce que dit Jean-Claude Loiseau dans Télérama. Ces figurants furieusement 70s, ces meetings dans les allocations. Et puis aussi, c'est un détail, mais c'est tellement un marqueur d'époque. À la fin du film, Giscard, il y a la télé là, omniprésente pendant la soirée présidentielle, et alors il se lève pour aller changer les chaînes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de télécommande. Non. Et ça c'est formidable parce qu'on s'est dit mais ça existait une société sans télécommande. Et surtout il se lève pour aller pour changer les chaînes sur une série américaine, alors que c'est quand même le soir de sa vie. Ouais. Et il ne reste pas sur les deux chaînes qui évoquent son élection, il passe sur la troisième chaîne qui diffuse une série télé américaine. Mais ça, est-ce que c'est pas parce qu'il sait qu'il est filmé pour se donner une image jusqu'au bout? J'en reviens à mon problème de cinéma d'hivérité. Vous pensez que ça lui échappe? Ouais, moi je pense que ça lui échappe. Vous savez, de pardon, c'est tellement bien se placer, c'est tellement se faire oublier que peu à peu ça lui échappe. C'est pour ça qu'il l'a peut-être interdit après, justement pour toutes ces images qui lui échappent, notamment ces scènes dans la voiture. Alors ensuite, il y a eu d'autres films, je pense notamment au film de Moati sur Lionel Jospin, qui était saisissant. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là. Bon, celui-là aussi, il est saisissant. Donc, on peut dire que Raymond Depardon ouvre la voie et que 1974, une partie de campagne, c'est la matrice de tous ces films documentaires où vont se croiser l'action politique, publique et l'intime. Oui, mais moi je trouve que ce qui s'est fait après est un semblant de cinéma de vérité, c'est-à-dire qu'il vous ferait croire qu'on s'approche au plus près du candidat. Je trouve ça une illusion. Le talent de Pardon, c'est de ne faire que du cinéma, c'est-à-dire de ne faire parler que les images. Après, vous aurez des docs avec des voix off, des interviews, etc. La puissance du film de 1974, une partie de campagne, c'est que ce ne sont que les images qui parlent. Vous savez comment Giscard voulait l'appeler, le film? Parce que ça, vous ne l'avez pas dit, mais... Je suis preneur de cette info. C'est Pardon qui m'a confié ça quand le film est finalement sorti. Donc, ils sont mis d'accord sur 1974, une partie de campagne. Ouais. Mais, originellement, Giscard voulait l'appeler La victoire en chantant. La victoire en chantant, bien sûr. Bon, alors on a parlé des prolongements de cette affaire-là, de ce film autour d'un candidat devenu président dans son intimité. Alors évidemment, celui qui est le plus frais dans nos mémoires, c'est Ainsi soit Macron, diffusé sur diffusé le 8 mai. Parmi les films de Macron, il y a celui-là, diffusé le 8 mai dernier. Ouais. On va écouter le début du film. On va juste écouter, parce que vraiment, par définition, on n'a pas les images. Certains l'appellent déjà le Kennedy français. Emmanuel Macron, nouvelle étoile politique. Il a 39 ans, John Fitzgerald en avait 43. Et comme le légendaire président américain en son temps, Emmanuel Macron, filmé ici chez lui au Touquet le jour de Pâques, dévoile à ses concitoyens une famille heureuse. Son épouse Brigitte, les trois enfants de cette dernière, les sept petits-enfants. Avec cette tribu recomposée à ses côtés, atypique et rayonnante, Emmanuel Macron affiche sa différence et sa confiance. Car l'homme qui va diriger la France durant les cinq prochaines années croit en sa destinée et depuis longtemps. Puisse-t-il avoir raison ? Ainsi soit Macron. Est-ce que vous voyez des parallèles, alors pas politiques, hein, on va pas non. parler politique, c'est pas votre spécialité. Non, c'est pas mon truc. Bon, même si on a deux personnes qui sont situées au centre, en termes d'image et de gestes médiatiques, est-ce que vous voyez une filiation, en tout cas un parallèle, entre Giscard et Macron? Ouais, il y en a beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a la jeunesse, c'est-à-dire que le 48 ans de l'époque, c'est 39 ans maintenant. Ministre de l'économie, le calme, le côté seul concentré sur sa copie. Pierre Hurel, là, qui est réalisateur de ce film sur France 3, dit un truc très intéressant à un moment, il dit, à propos de Macron, le seul tribun, c'est lui, juste lui, seul, et si c'était là son point faible. C'est exactement le cas de Giscard à l'époque, on sent qu'il décide de tout seul, même s'il a un aéropage de gens autour de lui, on sent que comme Macron, il a son plan dans sa tête. Moi, je trouve que c'est ça le raccord entre les deux. Après, je vous dis, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce qui m'a sauté aux yeux en revoyant récemment le film et les différents reportages sur Macron. C'était probablement le cas de ses deux prédécesseurs, mais ça ne se voyait pas, non. Justement. Et là, pour la première fois, on le voit, et c'est ce qui est saisissant. Il nous reste 25 secondes, Christine. Juste, le sentiment de Raymond Depardon par rapport à son film, j'ai dit dans le récit que c'était pour lui le film constructeur. C'est ça, c'est vraiment le rapport que Depardon entretient avec son propre film, une partie de campagne, c'est ça? Oui, parce que ça a été une blessure, et tout d'un coup, il renaît 28 ans après. En plus, c'est le film qu'il a lancé dans sa carrière de cinéaste, c'est extraordinaire parce que ça a été comme une colonne vertébrale et c'est ce qui va ouvrir et définir tout son cinéma à suivre. Merci infiniment. J'ai pas eu le temps je suis vraiment désolé de parler de votre livre, Aller au cinéma ou faire l'amour. Pourquoi ce titre? C'est drôle ce titre. J'ai vu beaucoup de films, voilà. Ah bah voilà, d'accord. Voilà, en tout cas, je conseille à nos auditeurs. Merci Christine, au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.